بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 27 dans l'explication de Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith de l'imam al-Sabuni rahimahullah avec le sharh du Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. Et on est toujours dans le chapitre au sujet de Istiwa'ullahi ala arshihi, l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son trône. On a mentionné au dernier cours différentes citations des salafs et également l'explication de certains hadiths. Et donc on continue dans cette voie. Et le shaykh ici, il mentionne et il dit « فَحَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْلَامِهَا وَإِيمَانِهَا لَمَّا أَقَرَّتْ بِأَنَّ رَبَّهَا فِي السَّمَاءِ وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمه الله على المخالفين في قولهم بجواز إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه فوق سبع سماواته على عرشه كما هو معتقد المسلمين أهل السنة والجماعة وسلفهم وخلفهم إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا لا يقول به. Donc ici le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'au dernier cours on a cité la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il avait demandé à l'esclave de Muawiyah ibn al-Hakam, hein, celle qu'il avait frappée, est-ce que je dois la libérer au messager d'Allah? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit amène-la moi. Alors il lui a amené la servante ou l'esclave et il lui a dit où est Allah? Où est Allah? Alors elle a répondu fis sama. Et ensuite il lui a posé la question man ana, qui suis-je? Et elle a répondu tu es le messager d'Allah. À ce moment-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit libère-la car c'est une croyante. Libère-la car c'est une croyante. Donc ça c'est le hadith que l'imam Shafi'i a rapporté. Bien entendu, yani, on a cité également, donc la version que l'imam Shafi'i a citée, c'est une autre narration. Mais sinon, on a mentionné également celle de l'imam Muslim qui est rapportée dans son Sahih, qui est légèrement différente, mais qui est fondamentalement la même. Et donc ici, le Cheikh As-Sabu, l'imam As-Sabuni, il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a donc jugé du fait de son islam, c'est-à-dire l'islam de cette servante, de cet esclave, et ainsi que de sa foi, lorsqu'elle a affirmé que son Seigneur était dans les cieux, et qu'elle a reconnu que son Seigneur possède l'attribut de l'élévation et qu'il est au-dessus des créatures. Et l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, a uniquement justement cité cette parole ou ce hadith comme preuve et comme argument contre les opposants à sa position par rapport à libérer un esclave et du fait que de libérer un esclave mécréant, hein, par rapport à la permission de libérer un esclave mécréant, par rapport à cette question-là, en mentionnant ce hadith-là, et ça c'est pour établir donc sa position. Il a cité cet argument et ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour justifier sa position, parce que c'est la croyance de l'imam Shafi'i que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, au-dessus des sept cieux, au-dessus de son trône, comme cela est la croyance des musulmans d'Ahlus Sunnati wal Jama'a, les premiers comme ceux qui ont suivi. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah, parmi les fondements de sa méthodologie et de son manhaj, c'est le principe que il ne rapporte aucune parole ou aucun hadith authentique, yani accepter que il rapporte ce en quoi il croit et ce sur quoi il base sa position. C'est-à-dire qu'il ne va pas rapporter une parole en laquelle il ne croit pas. Il ne rapporte que, que comme argument une parole ou un hadith, yani lorsqu'il est convaincu et lorsqu'il croit en ce qu'il rapporte. Et ensuite, le Cheikh Rabi' Hafizahullah, il explique ce passage et sa signification. Il dit, قال رحمه الله فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية لأنها على الفطرة والطفل تسأله أين الله يقول في السماء حتى بعض البهائم مثل الشاء لما تولد تنتج تقوم ترفع إلى السماء يعني حتى الحيوانات وابن القيم رحمه الله ساق قصصا عن الحيوانات مما يدل على أنها تؤمن بأن الله في السماء فالمخلوقات مفتورة الملائكة والبشر والجن والإنس والحيوانات مفتورة على أن الله في السماء وهذا الذي لا يؤمن لا يؤمن وهذا الذي لا يؤمن العقل السليم بسواه ويرفض ما يذهب إليه المعطلة والجهمية من أن الله في كل مكان أو لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار فهم لضلالهم إما أن يقولوا إن الله في كل مكان وهذا تنقص لله تبارك وتعالى وإما أن يحكموا عليه بأحكام المعدوم الذي لا يوجد لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار فهذا يتفق مع المنهج الشيوعي بأنه لا وجود لله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وإنما احتج الشافعي رحمه الله على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماوات وفوق سبع سماواته على عرشه كما هو معتقد المسلمين أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا لا يقول به فالمصنف يؤكد أن الشافعي متمسك بالكتاب والسنة وأنه لا يرد نصا من نصوص الكتاب والسنة سواء في باب الاعتقاد أو في باب الفروع والعمليات فهو إذا ورده نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا بد أن يعمل به ولا بد أن يصدقه ولا يحيد عن هذا المنهج ويستنكر أشد الاستنكار على من يقول له أتعمل بهذا الحديث كما سيأتي. Donc ici le Cheikh il mentionne que l'imam al-Sabouni il a dit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a donc jugé de l'islam et de la foi de cet esclave et il a affirmé donc Il a établi que du fait qu'elle a affirmé que son Seigneur était dans les cieux et qu'elle a reconnu que Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur, avait comme attribut le fait qu'il est élevé et qu'il est au-dessus de la création, il a affirmé sa foi et son islam parce qu'elle est sur la fitra. Et ça, c'est la croyance de la fitra, de l'islam, la nature saine de l'être humain lorsqu'il est dans son état naturel. Lorsqu'il n'a pas été corrompu par les fausses croyances et les différents égarements de l'humanité et les fausses religions, l'enfant, il dit, même l'enfant, si tu lui poses la question, où est Allah, il te dit, dans les cieux, en voulant dire qu'il est au-dessus. Et même les animaux, le cheikh, il dit, même les animaux, tu vois, il dit, les moutons, par exemple, quand ils naissent, c'est comme s'ils se lèvent vers le ciel, ils lèvent leur tête vers le ciel, même les animaux. Et il cite que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, avait mentionné même des exemples d'histoires de certains animaux qui indiquent que même les animaux reconnaissent que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux. Donc les créatures sont toutes créées sur cette nature, hein, de reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, que ce soit les anges, les êtres humains, les djinns, les hommes, les animaux. Toutes ces créatures-là sont créées sur cette nature profonde qu'ils ont en eux-mêmes de croire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création et qu'il est dans les cieux. Et c'est ce qui est établi, donc, de la croyance qui est saine et de la raison qui est saine. Hein? Et yani, personne qui a une raison et qui a une croyance saine peut croire en quelque chose d'autre que ça. Et toute personne qui a une croyance et qui a une fitra et qui a une raison qui est saine, il refuse et il rejette les idéologies et les voies des gens de bid'a et des gens de l'égarement parmi les mu'attila, les gens qui nient Allah et ses attributs et ses noms, et les jahmiya, hein, qui rentrent dans ces catégories-là, qui refusent d'affirmer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui prétendent que soit qu'ils vont dire par exemple que Allah est dans tous les lieux ou dans toute place, ou qu'il est partout, comme le disent certains d'entre eux. Si tu leur demandes où est Allah, ils te disent Allah, il est partout. Hein? Ça veut dire il est partout, il est dans tout, il est en tout, il est partout, il est en tout. Et d'autres qui te disent le contraire. C'est-à-dire, si tu leur demandes où il est, ils te disent il est nulle part. Hein? Et ils vont dire il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas en avant, il n'est pas en arrière, il n'est pas à l'intérieur du monde, il n'est pas à l'extérieur du monde. Ça, c'est qu'est-ce qu'on retrouve dans le livre dans les livres des gens de Bid'ayani. C'est comme ça qu'ils parlent à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh, il dit, à cause de leur ignorance, hein, ils vont soit dire que Allah subhanahu wa ta'ala est partout, et ça, bien entendu, c'est un rabaissement d'Allah subhanahu wa ta'ala, un manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala, puisque tu prétends que Allah est dans tous les endroits, ça veut dire dans toutes choses, même les endroits impurs, même les endroits sales, même les endroits qui ne sont pas, dignes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, ils vont soit juger qu'il est yani, comme le néant, hein, qui n'existe pas. C'est-à-dire, ils vont dire, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, soit qu'il est partout, ou bien il y en a d'autres parmi eux. Quand tu leur poses cette question-là, ils disent non, il est nulle part. Mais ils ne vont pas dire nulle part, hein, de façon explicite. Ils vont essayer d'utiliser de la philosophie pour essayer de d'arriver à leur objectif. Et l'objectif, c'est le même, hein? C'est le même de toute façon. C'est toujours de nier qu'est-ce qui est révélé et de nier qu'est-ce qui a été mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Et donc ils vont dire que finalement il n'est pas au-dessus de la création, il n'est pas en dessous, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas en avant, il n'est pas derrière, il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur du monde. Et comme le cheikh, il explique, il dit ça, c'est les règles du néant, c'est les attributs du néant. Si tu demandes à quelqu'un comment décrire le néant, ça c'est une des meilleures façons de le décrire, c'est de cette façon. Et donc il dit, le cheikh ici, il dit que ces gens-là sont donc en accord avec la croyance des communistes et des athées, hein, et des matérialistes qui n'affirment pas l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc que Allah soit exalté, hein, d'une grande exaltation de ce que ces gens-là prétendent. Donc ça c'est un exemple. Après le cheikh il explique, il dit donc que l'imam al-Shafi'i, l'imam al-Sabouni, il mentionne que l'imam al-Shafi'i rahimahullah avait utilisé ce hadith-là contre ses opposants au sujet de la permission de libérer l'esclave qui n'est pas croyant en se basant sur cette narration-là. C'est-à-dire que l'imam al-Shafi'i, sa position par rapport à l'expiation de l'esclave, c'est que il faut que l'esclave soit un esclave croyant. D'accord? Et je pense qu'on avait expliqué justement au dernier cours que dans certains textes, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a clarifié que pour certains péchés, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné comme expiation qu'il y ait la libération d'un esclave croyant. Et donc, dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fatahriru raqabatin mu'mina ». Donc, il le spécifie. Il dit là, il faut qu'il y ait l'expiation d'un esclave croyant. Tandis que dans d'autres versets, par rapport à d'autres péchés, comme par exemple celui qui a brisé son serment, ou celui qui a fait az-zihar, hein, qui a par exemple fait az-zihar, il n'a pas mentionné que l'esclave libéré doit être un croyant. Sauf que l'imam al-Shafi'i l'a ramené comme argument ce hadith-là, hein, qui est le hadith de Muawiyah ibn al-Hakam, pour établir que non, l'esclave, même si ce n'est pas spécifié, la règle générale, c'est qu'il faut que ce soit un esclave croyant. Et il a utilisé ce hadith-là comme preuve. Et le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône, comme c'est mentionné clairement dans le Coran, et tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affirmé lorsqu'il a affirmé la foi de cet esclave, lorsqu'il lui a posé la question « Où est Allah ?» et qu'elle a répondu « Fis sama », eh bien, ça confirme que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création et qu'il est au-dessus de son trône. Et ça, c'est la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a, et c'est la croyance de tous les musulmans de Ahl Sunnati wal Jama'a dans le passé comme par la suite, ceux qui ont suivi. Et le cheikh explique que l'imam al-Shafi'i, il a ramené ce hadith-là en même temps pour confirmer cette croyance-là. Puisque l'imam al-Shafi'i ne va jamais supporter ou rapporter une narration authentique sans y croire lui-même. Et donc l'auteur, il confirme que l'imam al-Shafi'i s'accroche au Coran et s'accroche à la Sunna et qu'il ne rejette aucun texte parmi les textes authentiques de la religion. Et il affirme tout ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, dans les questions qui ont rapport avec la croyance, de même que dans les autres questions qui ont rapport avec les applications de la religion et les pratiques. Donc, s'il y a un texte qui est rapporté et qui lui parvient parmi les versets du Coran ou parmi les hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il doit le mettre en pratique. Ça, c'est la méthodologie de l'imam al-Shafi'i, et c'est son manhaj. Hein, que s'il y a un texte qui lui parvient, qui est authentique, il doit le mettre en pratique. Et il doit y croire et l'accepter, et il ne peut pas s'en détourner. Hein, il ne peut pas se détourner de cette méthodologie-là. Et il condamnait d'une façon extrêmement sévère toute personne qui lui posait la question « Vas-tu mettre ce hadith-là en pratique ?» Hein, ça, c'est une question qu'il détestait. Hein? C'est-à-dire qu'il déteste que quelqu'un lui pose ce genre de questions. Parce que, pour lui, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel et qui est tout à fait logique que s'il rapporte un hadith, il doit y croire et il doit le mettre en pratique. Et on va mentionner des exemples à ce sujet-là. Le cheikh dit « Wa qala, qad akhbarana al-hakim, Abu Abdillah, rahimahullah » قال أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان ابن محمد الفقيه قال حدثنا إبراهيم ابن محمود قال سمعت الربيع ابن سليمان يقول سمعت الشافعية رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب وقال قال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الوليد غير مرة يقول حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل يا أبا عبد الله تقول به قال تراني في بيعة أو كنيسة ترى علي زي الكفار ها هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين ومستقبل قبلتهم أروي أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. Donc ici le cheikh, l'imam al-Sabuni, il rapporte deux narrations authentiques qui ont été rapportées à l'imam al-Shafi'i. La première parole, c'est rapporté par Rabi' ibn Sulayman. Il dit qu'il a entendu l'imam al-Shafi'i qui dit, si vous me voyez que je dis une parole qui est authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que je fais le contraire de cette parole, alors sachez que j'ai perdu la raison. Sachez que j'ai perdu la raison. C'est-à-dire, si vous m'entendez dire une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam puis que je fais le contraire, sachez que j'ai perdu la raison. Ça, c'est un exemple du manhaj de l'imam al-Shafi'i. Et un autre exemple aussi, c'est une parole de l'imam al-Shafi'i qui a été rapportée par Al-Za'farani. Il dit qu'un jour, un homme est venu lui poser une question à propos d'un hadith. Et Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam al-Shafi'i, il a rapporté le hadith et la personne qui a posé la question lui a dit « Oh Abu Abdullah, est-ce que toi tu dis ta position c'est la même que ce hadith-là » C'est-à-dire, est-ce que ta position c'est la position de ce qui est mentionné dans le hadith? Alors l'imam al-Shafi'i était fâché, il lui a dit « Est-ce que tu me vois sortir d'une synagogue? Est-ce que tu me vois sortir d'une église? Est-ce que tu vois sur moi les vêtements des koufars ?» Donc il dit « Tu me vois dans la mosquée, des musulmans, avec les vêtements des musulmans, et que je me tourne dans la qibla des musulmans, et que je rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis après je vais pas l'accepter comme ma position? Je vais pas prendre ce hadith comme étant ma position? » En voulant dire « Yani subhanallah, ça c'est pas possible. Je suis ni un juif, ni un chrétien, pour que je dise quelque chose du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis que je fasse le contraire. » Parce que ça c'est les caractéristiques des koufars, les caractéristiques des juifs et des chrétiens qui lisent les livres qu'ils possèdent et qu'ils ont reçus, et puis qu'ils prônent le contraire de ce qui est mentionné dans leur livre ou dans leur révélation. Après, le cheikh Rabi, hafizahullah, il clarifie cette parole et il fait des commentaires sur ça. Et donc il dit, Al-Mu'allif rahimahullah huna yubayyinu lana موقف الإمام الشافعي رحمه الله من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحترمها سواء في العقيدة أو في الحلال والحرام أو في الأخلاق والسياسة أو في أي مجال من المجالات إذ صح الحديث عنده إذا صح الحديث عنده فلا يتعداه أبدا ولا يمكن في نظره ولا في نظر غيره أن يقول بخلافه رحمه الله عمدا وهو يقرر أصلا دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء السنة رحمهم الله أننا نتمسك بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان الحديث صحيحا أو حسنا فإذا ثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مجال من المجالات فلا يسعنا إلا أن نؤمن به ونسلم به فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا أصل عظيم فالله يقسم على أن أحدا لا يؤمن أبدا إلا إذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم راضيا منشرحا بذلك صدره لا يجد حرجا لو حكمته في وفي نفسك حرج لم تكن مؤمنا فلا بد أن ينفى هذا الحرج ولا بد من الاستسلام والانقياد لما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآن قضية ضائعة عند كثير من المسلمين ولهذا سلط الله عليهم أعداء الإسلام لاستهانتهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعتقدون ما دلت عليه ولو جاءت من طرق ثابتة صحيحة فإنهم يوسعونها تهربا وتأويلا وإلى آخره. Subhanallah. Donc le cheikh il explique ici que le cheikh Rabi Hafidhahullah, il dit voici que l'auteur, l'imam al-Sabuni, il explique ici la position de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah wa radiyallahu anhu, au sujet de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Du fait qu'il respecte la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, peu importe que ce soit à propos de l'aqidah, ou que ce soit à propos de ce qui est halal ou haram, ou que ce soit à propos des questions qui ont rapport avec le comportement, ou que ce soit à propos des questions qui sont politiques, ou dans n'importe quel domaine parmi les domaines de la vie. Si le hadith il est authentique, il ne va jamais dépasser le hadith ou transgresser le hadith. Et il n'est pas possible pour lui, il n'est pas possible pour lui, selon son opinion et sa position, de regarder autre chose ou de dire quelque chose qui contredit ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a établi de façon intentionnelle et volontaire. Il dit, donc il va établir comme il a établi comme fondement dans ses paroles qu'il a mentionnées, un fondement qui est établi et prouvé par le Coran et par la Sunna et sur lequel tous les ulama de la Sunna sont d'accord. Et ce fondement-là, c'est quoi? C'est que nous nous accrochons à tout ce qui a été rapporté de façon authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est un hadith qui est soit sahih ou hasan, authentique, ou hasan, c'est-à-dire un degré qui est bon et acceptable, à ce moment-là, il est obligatoire de nous y accrocher et de l'accepter. Et donc, il dit, si le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est donc établi et authentique, peu importe dans quel domaine le hadith en question, peu importe dans quel domaine, de quel domaine il s'agit, du moment que le hadith est authentique, nous n'avons pas le droit de faire autre chose que d'y croire et de nous y soumettre. Et ça, c'est établi par les preuves du Coran et de la Sunna. Et parmi les exemples des versets qui mentionnent ce principe, le verset 65 dans Sourate An-Nisa, qui est un verset fondamental pour comprendre ce principe-là, et que les ulamas de l'islam mentionnent constamment pour établir ce principe. C'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure, il dit, non par ton Seigneur. Il jure par lui-même. Il dit, non par ton Seigneur. Ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'il t'ait pris comme juge dans toutes les divergences et dans toutes les disputes qu'il y a entre eux. Et qu'ils ne retrouvent en eux-mêmes aucune gêne vis-à-vis de ce que tu auras décrété, et qu'ils s'y soumettent d'une soumission totale. Et ça, c'est un des grands fondements parmi les fondements de la religion. Allah Azza wa Jal, il jure que personne ne sera croyant tant qu'il n'est pris le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme juge dans toutes les affaires de la vie, et tant qu'il n'a pas été satisfait et que sa poitrine ne s'est pas épanouie et qu'elle n'ait ressenti aucune gêne vis-à-vis de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aura jugé. Donc ça veut dire que même s'ils le prennent comme juge, mais qu'en eux-mêmes ils ont une gêne et qu'ils n'y croient pas, eh bien dans ce cas-là, ils ne seront pas considérés comme étant croyants s'ils ont encore cette gêne en eux-mêmes au moment de prendre le messager comme juge. Il faut qu'ils aient pris le messager comme juge, c'est-à-dire qu'ils se réfèrent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à sa sunna quand ils jugent, et qu'ils n'aient retrouvé en eux-mêmes aucune gêne. S'ils jugent par le messager d'Allah et qu'ils retrouvent en eux-mêmes et qu'ils ont en eux-mêmes une gêne quelconque, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'ils n'ont pas été croyants. Donc il faut absolument que cette gêne ait été retirée du cœur. Il ne faut pas qu'il y ait cette gêne ou cet embarras dans le cœur vis-à-vis de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décrété, et il faut qu'il s'y soumette d'une soumission totale, hein, et qu'il accepte le jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam du fond de leur cœur. Et ça, il dit, ce principe-là, c'est quelque chose qui est perdu chez beaucoup de musulmans à notre époque. Et c'est pour cette raison, justement, que les ennemis de l'islam ont réussi à prendre le dessus sur les musulmans à cause de leur dénigrement de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils n'ont pas cru en ce qui a été indiqué par la sunna. Hein? Et même si cette sunna a été rapportée par des voix qui sont fermes et authentiques, hein, mais ils essaient de s'échapper de ces textes-là et de ces narrations par toutes sortes de fausses interprétations très très larges, et ainsi de suite. Donc ça, c'est parmi les exemples que le cheikh ici, il clarifie, hein, et effectivement, ce que le cheikh mentionne comme réalité, de qu'est-ce qui se passe dans la réalité de ce que certains musulmans ont comme comportement vis-à-vis de la sunna, ce sont des choses réelles, puisque non seulement la sunna, il s'en échappe et il s'enfuit même de qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans sa sunna, mais même de la parole d'Allah, il s'enfuit. Yani c'est-à-dire que pour beaucoup de musulmans aujourd'hui dans le monde, hein, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du messager, elle n'a pas un impact très fort dans leur vie sur tous les plans de leur existence. Et si tu regardes par exemple beaucoup de musulmans, quand ils jugent dans les questions qui ont rapport avec la société, l'économie, la politique, les questions qui ont rapport avec le mariage, le divorce, ou bien les questions qui ont rapport avec le commerce, ou les questions qui ont rapport avec toutes sortes d'autres aspects de la vie et de la société, eh bien, si tu leur mentionnes, par exemple, qu'il faut juger dans ces questions-là selon le Coran et selon la Sunna, ils te regardent avec un regard comme s'ils sont étonnés. Hein? Ils sont surpris de ça. Comme si c'était quelque chose d'étrange ou de surprenant. Qu'est-ce que tu leur dis? Hein? Comment ça? Tu dis qu'il faut appliquer les règles de la religion, même dans les aspects de la vie politique, économique, sociale et autres. Ça, c'est étonnant pour eux, subhanallah. Alors que cette chose-là a toujours été établi et accepté par les musulmans depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, jusqu'à récemment. Hein. C'est pour cette raison-là que les musulmans ont toujours été au devant dans tous les domaines. Ils ont toujours été en avance de tous les autres peuples dans les siècles passés. Mais lorsque les musulmans ont commencé à laisser de côté les versets d'Allah et les paroles du messager sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ont mis au-dessus de ça toutes sortes de bid'ah et toutes sortes d'idéologies et de méthodologies contraires au Coran et à la Sunna, et qu'ils ont commencé à se diviser à cause de ces bid'ah qu'ils ont innovées, eh bien, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à reculer, à reculer, à reculer, à retarder, à retarder, jusqu'à ce que les koufars sentent que les musulmans sont devenus faibles. Hein? Eh bien, à ce moment-là, ils ont commencé petit à petit à venir prendre des morceaux de ce que les musulmans ont permis hein, de récupérer. Et ça a été la réalité depuis longtemps, malheureusement. Donc, jusqu'à ce que les musulmans reviennent à l'ordre d'Allah, et la situation va continuer, sinon, de cette façon, telle qu'elle est maintenant, tant qu'on ne va pas se réveiller. Nasallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh, il dit, « Fa'akhbaru l'ahad, indahum khassatan, fi bab al-asma'i wa al-sifat wa al-aqa'id, la wazna laha. Yuqaddimuna » يقدمون عليها وساوسهم يقدمون عليها وساوسهم التي يسمونها بالعقليات فهي عندهم تفيد الظن ولا تفيد اليقين وعقولهم الفاسدة الكاسدة الضالة هي التي تفيد اليقين أهلكتهم هذه العقول الشيطانية فخالفوا نصوص الكتاب والسنة وليس نصوص السنة فقط فأخبار الآحاد عندهم تفيد الظن وقد تكون من الأحاديث المتواترة في العقيدة فيقولون عنها إنها آحاد وكثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة ما هي إلا بيان لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤيدها كتاب الله وتؤيده وهم يقولون تفيد الظن وإذا حصرت عليهم حصرت عليهم الأمر يقولون حتى نصوص القرآن المتواترة ونصوص السنة المتواترة دلالتها ظنية لا تفيد اليقين والشافعي يقول في أهل هذه المناهج الفاسدة حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بالكلام يعني كلام فيه الهلاك وفيه الضلال كلام نشأ عن فلسفات أعداء الله من المجوس واليونان وغيرهم فعلينا معشر الشباب ومعشر المسلمين أن نتمسك جميعا بكتاب الله تبارك وتعالى كما أمرنا الله بذلك وأمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا لا يزيغ عنها بعد إلا هالك أي والله لا يزيغ عنها إلا هالك تركنا عليه الصلاة والسلام على البيضاء وهي شريعة بيضاء مشرقة وكاملة ووافية في كل المجالات لا ثغرة فيها تحتاج إلى أن نكملها أبدا ولكن المصيبة التي على كثير من المسلمين من الجهل بمنزلة هذه الشريعة من الجهل ومن الهوى الذي يدفع كثيرا منهم إلى مخالفة ما جاءت به هذه الشريعة الغراء نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التمسك بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأن يجنبنا وإياكم الهوى ما ظهر منها وما بطن. Donc ici le cheikh il explique, il dit que en ce qui concerne les questions des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il y a une position chez les gens de bid'a, hein, en ce qui concerne les questions d'aqida, c'est qu'ils ne se réfèrent pas aux hadiths qu'ils considèrent ahad. Et les hadiths ahad, qu'est-ce que c'est? Les hadiths qu'on appelle ahad, c'est des hadiths qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont rapportés par un petit nombre de narrateurs. D'accord? Et le cheikh explique que une des bid'as que ces gens-là ont innové dans la religion, c'est de faire la distinction justement entre les hadiths qui sont rapportés par un grand nombre et les hadiths qui sont rapportés par un petit nombre. Dans les questions de croyance en particulier, et ceux qui ont ramené cette idée-là, c'est les gens de bid'a parmi les Mu'tazila et les Asha'ira. Hein? Les Mu'tazila, les Jahmiya, et les Asha'ira, ils ont aussi cette mentalité-là ou cette idéologie-là, certains d'entre eux. Et ils ne donnent donc aucune importance à la sunna si, selon eux, elle n'est pas rapportée par un certain nombre de rapporteurs. Et bien entendu, ils ont ramené cette innovation-là dans le but de rejeter tous les hadiths qui vont en contradiction avec leur méthodologie rationaliste. Et pourquoi? Parce que la position des ulama d'Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet des hadiths, c'est d'accepter tous les hadiths qui sont authentiques, peu importe le nombre de narrateurs qui les ont rapportés. D'accord? Donc, du moment que le hadith est authentique, c'est ça l'important. Peu importe qu'il soit rapporté par une seule personne, ou par 3, ou par 4, ou par 10, ou par une centaine, dans tous les cas. S'il est authentique, il est sahih, on l'accepte. Et il y a beaucoup de preuves dans le Coran et dans la Sunna qui confirment qu'on doit accepter toute narration authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans tenir compte d'une différence par rapport au nombre des rapporteurs ou des narrateurs. Et même dans notre vie de tous les jours, la façon dont on agit par rapport aux informations que les gens nous transmettent, on ne demande pas à ce que, par exemple, quelque chose soit transmis par un certain nombre de personnes et qu'on va dire, par exemple, non, on ne va pas accepter une information de la part d'une personne. Si elle est toute seule, il faut qu'il y ait 15 ou 20 ou 30 personnes qui nous confirment que qu'est-ce que cette personne-là a dit, c'est la vérité, pour qu'on puisse juger que la chose en question est vraie. Non, il n'y a personne qui agit de cette façon-là ou qui prend ça comme principe. Du moment qu'une personne de confiance te transmet une information à propos de quelque chose, même si elle est toute seule, si tu la connais comme étant une personne honnête et fiable, eh bien tu acceptes sa parole et tu crois en qu'est-ce qu'elle te mentionne, peu importe le nombre. Et il y a bien des références à ce sujet-là, comme j'ai mentionné. Donc, eux, les gens de bid'a, ces gens de bid'a, ils ont inventé cette innovation-là pour rejeter, comme je disais, toute parole qui contredit leur méthodologie sur laquelle ils se basent et qu'ils prétendent être établis sur la raison. Et le cheikh, il dit ensuite que la raison pour laquelle ils refusent les hadiths qui sont rapportés par un petit nombre, c'est parce que, selon eux, ça ne donne pas la certitude. Ça ne donne pas la certitude, mais ça ne fait que, en fait, nourrir une conjecture. Hein? Donc, qu'est-ce qui est établi par la raison? C'est uniquement ça pour eux qui peut établir une certitude. C'est-à-dire que la certitude, selon eux, ne peut être établie que par la logique. La logique qui a été établie par leurs philosophes et par leurs penseurs et par leurs idéologues. Mais en ce qui concerne les textes, eh bien, on ne peut pas en tirer une certitude. Même les hadiths qui sont mutawatir, hein, parce que souvent ils ramènent l'histoire de hadith ahad comme un prétexte pour prétendre qu'ils n'acceptent pas certains principes du Coran et de la Sunna dans la croyance, alors qu'en réalité, beaucoup de principes de la croyance sont établis par des hadiths qui sont mutawatir, c'est-à-dire mutawatir rapportés par un très grand nombre de narrateurs. Malgré qu'ils sont mutawatir, ils refusent de les affirmer. Alors ça fait partie en réalité de leur ruse. C'est que si le hadith il est rapporté par un petit nombre, ils disent non, on l'accepte pas parce qu'il est ahad. S'il est rapporté par un plus grand nombre, ils cherchent un autre prétexte. Donc ils vont dire non, mais là c'est pas parce que il est ahad, mais c'est même s'il est mutawatir, on peut pas l'accepter parce que il ne donne pas la certitude, parce que dans sa signification, il n'est pas clair. Où il peut être interprété. D'accord? Donc ça, c'est un autre exemple. Et même si tu leur ramènes un verset dans le Coran, eh bien, encore là, ils ne vont pas l'accepter. Ils vont essayer de dire, non, mais sa signification n'est pas claire, on peut l'interpréter différemment, et ils cherchent un moyen de le déformer. Et c'est ce qu'ils font, justement, même avec les versets du Coran. Quand tu leur ramènes des versets qui établissent que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création et que Allah subhanahu wa ta'ala a un visage, il a deux mains, hein, il a des yeux, il a la vue, il a l'ouïe, hein, et tu ramènes les preuves des attributs qui ont été mentionnés dans le Coran, ils le déforment et ils essaient de l'interpréter d'une autre façon parce que selon eux, ces attributs-là ne sont pas en accord avec la raison. Et on ne peut pas les affirmer parce que pour eux, la seule chose qui établit une certitude par rapport à la croyance, ça peut uniquement être quelque chose qui est en accord avec leur logique. Si ce n'est pas établi par la logique, eh bien ça n'amène pas de certitude. Hein? Allahul Musta'an. Et donc ça c'est leur ruse et c'est comme ça qu'ils jouent avec la religion, contrairement à ce qu'on voit de la parole et de l'attitude des salafs vis-à-vis des textes du Coran et de la Sunna. Non, les salafs quand ils ont une preuve du Coran ou de la Sunna, hein, un hadith authentique, ils s'y accrochent et ils l'acceptent et ils ne vont laisser personne ni rien les détourner de prendre comme position cette position-là qui est supportée par le hadith. Et on l'a vu dans l'exemple de la parole de l'imam al-Shafi'i et comment il a ramené comme preuve les hadiths en question et comment il a réprimandé toute personne qui osait même suggérer qu'il ne prendrait pas la position qui est établie par le hadith. Et donc le cheikh Rabbi Hafizahullah, il clarifie ici, il dit que justement l'imam al-Shafi'i, il a une méthodologie aussi vis-à-vis des gens qui ont cette attitude-là envers le Coran et la Sunna, et il les appelle des gens de kalam, ahlul kalam, et il dit mon jugement et mon verdict à propos des gens de kalam, hein, parmi ces philosophes et ces gens de bid'ah qui remettent en question la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et même la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit mon jugement au sujet de ces gens-là, c'est qu'ils soient frappés avec des rameaux, hein, des feuilles de palme ainsi que des sandales, hein, qu'on les frappe avec des rameaux et des sandales et qu'on les fasse circuler autour des maisons dans les tribus, hein, et les familles, et qu'on dise à leur sujet, voici la punition de ceux qui ont délaissé le livre d'Allah et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qui a remplacé cela par la philosophie et la dialectique aristotélicienne, ou bien toutes les autres formes de yani de conjectures que ces koufars ont inventées, et eux, ils prennent ces ces philosophies de ces kuffars et ils les prennent comme des bases et des fondements pour interpréter le Coran et la Sunna et comme référence pour comprendre la religion. Et c'est pour ça qu'ils se sont égarés et qu'ils veulent amener d'autres avec eux dans leurs égarements. Donc l'imam al-Shafi'i, il a jugé que ces gens-là devaient être punis de cette façon-là. C'était pour les humilier et pour les rabaisser et pour montrer hein, comment ces gens-là sont irrespectueux envers la parole d'Allah. Et donc celui qui est irrespectueux envers la parole d'Allah et irrespectueux envers la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, il ne mérite pas d'être respecté. Et il mérite d'être justement dénigré de cette façon. Après, il dit, et c'est une parole, hein, la parole de ces gens de bid'a. Il y a dans leur position et dans leur parole de l'égarement et de la perdition. Et toutes leurs paroles découlent des philosophies des ennemis de l'islam parmi les Majus et les Grecs de l'Antiquité qui ne croyaient pas en Allah subhanahu wa ta'ala ou qui faisaient le shirk, hein, qui étaient des mushrikin. Allah al-musta'an. Après le shaykh, il dit, nous devons donc, nous tous, hein, l'assemblée de jeunes et de musulmans, de musulmans et de jeunes musulmans, nous accrocher tous ensemble au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah nous l'a ordonné, comme le messager sallallahu alayhi wa sallam nous l'a ordonné lorsqu'il mentionne dans le Coran, le verset 103 dans sourate Al-Imran, cramponnez-vous tous au câble d'Allah. Et comme il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par Muslim, selon Jabir, il a dit, je vous laisse sur quelque chose que tant que vous y accrochez, vous ne vous égarerez jamais après moi. Il a dit, c'est le livre d'Allah. Et dans une autre narration qui est rapportée par Ahmad ibn Majah al-Hakim, selon Al-Urbad ibn Sariya, authentifié par Sheikh Al-Albani, il a dit, je vous laisse sur une voie qui est éclatante et claire. Sa nuit est comme son jour. Nul ne s'en écarte ou nul n'en dévie, excepté qu'il sera perdu, hein, qu'il sera dans sa perdition. Et il dit le cheikh, oui, ça c'est la vérité par Allah. Personne ne s'en écarte, ne s'écarte de cette voie claire, excepté qu'il va périr. Et donc, il nous a laissé sur une voie claire, une voie brillante, éclatante. Et c'est la charia hein, qui est éclatante, qui est brillante, qui est complète, qui est parfaite et qui touche à tous les différents domaines de la vie. Il n'y a pas un domaine hein, dans lequel les êtres humains ont besoin de quoi que ce soit, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a clarifié et a complété tout ce qu'on avait besoin pour vivre dans ce domaine-là. Et malheureusement, le malheur, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui sont ignorants de cette importance de la charia et à cause de leur ignorance, et également parfois aussi à cause de la passion, eh bien, ils vont contredire ce qui a été rapporté dans cette pure charia qui a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala pour guider l'humanité. Donc, on demande à Allah azza wa jal de nous raffermir, ainsi que vous-même, sur le fait de se cramponner à son livre et à la sunna de son messager, alayhi salatu wa salam, et de nous écarter, ainsi que vous-même, de la passion, ce qui en est apparent et ce qui en est caché. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Au prochain cours, on continuera la suite de cette explication du Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته